bébé je me barre, surtout me rappelle pas. Ne verse pas de larmes, ils vont trouver ma trace. Pronostic vital, plus le temps il faut la maille. Les potes ont pris et moi je finis à l'hôpital. J'ai tout compris mais je traîne encore ce bonnet d'âne. D'une grande famille le soir je chante la soledad. Dans ce rap j'ai trop de choses à dire, je prime l'omerta. Je te positionne dessus avec le choléra. Le rap m'attend comme ma femme à la sortie du taf. Rien calmement je le fais avec le feu la flamme. J'aime pas le manque, je me fous de décrocher la palme. J'ai mal au ventre comme ce sale toxico qui n'a pas eu sa cam. Du relief dans les textes, j'aime mettre les choses à plat. La déesse dans mes rêves me met des coups de matraque. J'ai la main sur le cœur, je suis pas comme Bonaparte. On veut toujours tout ce qu'on n'a pas, la vie nous prend tout ce que l'on a. Je remonte comme un aveugle, j'entends les cris comme un sourd. Pincez-moi si je rêve à s'éveiller. Tout monté par la peur, on s'est fait violer par l'amour. J'ai la montée en ce jour férié. L'or c'est pour les rois, moi je ne suis qu'un simple guerrier. J'ai tout dans le thorax, le reste est sur la table. La foi et le courage m'adresse à tout Bagdad. Mon rap il est passé de Saint-Vite au grand boulevard qui ravale leur salive. Tous les MC n'ont juste aucun pouvoir. J'ai pas assez du shit, la zik comme des fouloirs. J'vais m'arracher de cette vie comme cette fille qui retire son foulard. J't'envoie de la magie, je viens pas de Poudlard. La voix est trop massive, j'suis au régime comme le beat de Bouvard. J'ai revu ma petite vie avec une mra locale. J'pense à mon jeune fils, mamie fait Maluna. J'aime pas être à l'affiche, demande à Mamouna. J'vais pas montrer mon beat pour qu'ils disent tous mon dieu mais qu'il en a. J'suis pas un incendiaire, pourtant j'suis pyromane. J'suis dur avec moi-même, pour ça que j'te plie au mail. On fait des gestes avec nos mains, on passe pour des jobards. Ramène de la gaze et nique sa mère si on finit au bas. Je remonte comme un aveugle, j'entends les cris comme un sourd. Pincez-moi si je rêve à s'éveiller. Tourmenté par la peur, on s'est fait violer par l'amour. J'ai la montée en ce jour férié. L'or c'est pour les rois, moi je ne suis qu'un simple guerrier. La nuit chaud au Maldives ou à Casablanca. Coupable ou bien victime, faut un sale avocat. À l'aise comme un poisson, j'suis bien dans mon bocal. J'fous le bazar au calme, j'passe en bas de la rocade. Comme tous les soirs, démon endort ce mal de crâne. Mais croyez-moi quand j'dis que j'attends le coup de grâce. L'inspire comme la lumière au fond d'un trou à rat. L'esprit est trop funeste, je perds une aile, je suis tous les arabes. J'te monte comme un aveugle, j'entends les cris comme un sourd. Pincez-moi si je rêve à s'éveiller. Tout monté par la peur, on s'est fait violer par la rouge. J'ai la montée en ce jour férié. C'est pour les rois, moi je ne suis qu'un simple guerrier. La 25ème, tous les jeudis. Ciao, Jules. 22h, minuit. Radio Sud.net. 101.8. Yeah, c'était le son du poteau, le cas, l'or des rois. Donc vous pouvez retrouver ça directement sur YouTube. Hein. Vous tapez le cas, l'or des rois. J'ai plusieurs suggestions pour le cas. S'il veut sortir un album, il peut sortir un titre. Vas-y. Le premier, ça peut être Piten. Le cas Piten, voilà. Ok. Le deuxième, ça peut être Prison. Le cas Prison. Voilà. Le troisième, ça peut être Sauce. Le cas Sauce, oui, évidemment. Évidemment. Après, ça peut être... voilà quoi, t'as compris quoi. Ok. Okay. Donc ben Lucas, tu nous écoutes, c'était la suggestion de Juju, voilà, de Jounes. Il a 2-3, voilà. Voilà. Donc il est 23h04, Jounes n'est toujours pas plus intelligent que depuis 2019. Chaman. Yeah. Mais donc là j'enchaîne, pardon. Non, là, j'allais dire un proverbe turc mais vas-y. Tugulum tulpum. Celui-là. Mais je le connais celui-là depuis, celui-là. Ouais. C'est équivalent à... Ouais. Non, mais dis pas. Ouais, tu veux. Ok. Donc, 23... 23h05. Wow, on a passé une minute. Yahoo! Bah, tu sais quoi, vu que Sinza il est avec nous et puis qu'on avait prévu de mettre son petit son, ouais. Bah, on va envoyer à Amsterdam. Mais le son est cool, hein. Ouais. Le son est cool, le son est vraiment cool. Je parle pas du clip, je parle du son, il est cool, ouais. Vraiment, il est cool. Dommage qu'il n'est pas assez exploité, en fait, tu vois. Comment ça, à quel niveau, tu dirais? Je le trouve cool. Ok. Non, le son est une bonne qualité, le refrain, tout ça. Ah, tu parles de l'artiste, dommage qu'on l'exploite pas assez ou... Non, le son, en fait. Okay. Il n'a pas eu le succès. En fait, le clip n'a pas eu le succès du son. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Parce que le son, tu l'écoutes sur ton téléphone et tu l'écoutes avec un vrai casque, rien à voir. Ouais. Il est très propre, bien mixé. Ça a été fait où Bonjour, Sinza, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Ça a été fait à l'Odéon, studio l'Odéon. Ok, ouais, mais c'est qualitatif de ouf. Sur le refrain, tu le sens, il y a des bails. Merci bien. Donc ouais. Ça, c'est sorti en décembre. C'est sorti le 1er décembre 2019. Donc, il faut rappeler que nous, on a coupé pendant un bon mois. Donc là, on vous fait un peu la rétrospective de tout ce qui est sorti entre fin novembre, courant décembre et puis début janvier. Donc là, on a diffusé pas mal de morceaux. On enchaîne directement avec Sinza, Amsterdam. La prod, c'est Isos Beats. Vous pouvez retrouver ça sur YouTube. Il est d'où, Isos Beats? Il est de... Je sais pas. Isos. Ah, c'est une face B? Ouais. Oh, enfin, tu sais, c'est du type beat sur YouTube. Ah, tu m'as eu. Voilà. Le clip est réalisé par je ne sais pas. Attends, je vais regarder. Oh, mais c'est encore Lou Bloom. Mais il est partout. Il est partout, cet homme-là. Donc, Sinza, Amsterdam, prod by Isos Beats. Le clip réalisé, évidemment, à Amsterdam. Mais on entre la Norvège, les Pays-Bas, ce soir, le Brésil. Mais on voyage, en fait. 2020, l'année du voyage. J'ai entendu peut-être qu'à Nagasaki. Oh, ben bien sûr, mais il y a le Japon. Oh, bah, mais... Oh. Mais on va avoir tous les continents ce soir. Ah bah, et non. Il manque plus que l'Afrique, quoi. Bah, je vais le faire, moi. Ok. Moment une afro-trap, je fais Ok. Et merci, merci. Merci on le est toujours... S, merci le S. Oh. Oh, le S. Ok. Oh, le S. Oh. 23h06, oh, ouais, 07, le S, oh. J'envoie le jingle. Et j'envoie Sinza Amsterdam. On est toujours dans la 25e jusqu'à minuit, les mecs. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h, minuit. Radio Sud.net. 101.8. C'était une blague. Depuis le départ, on trime rien à j'échange. J'ai beau tenter mon poteau, c'est la même. Rien n'a changé, j'ai juste perdu mon temps. J'attends de partir loin d'ici, je suis en bas, dis-moi jusqu'à. Mais sûr que c'est fait sans air. Mais sûr que j'ai besoin d'air. Mais sûr que j'ai besoin d'air. Je pourrais prendre mon envol, mais j'aurais besoin d'elle. De M, 4 lettres dans le cachet. 4 cachets dans le sachet. Sachez que je suis pas le genre à m'entacher. Navré, je l'étais quand j'ai dû m'en charger. T'en fais pas bientôt, on va quitter les parages. Quitter les parages. 200 km sur le compteur pour niquer leur barrage. Ouais, ouais. Plus besoin de rien, j'oublie tout. J'suis seul avec les miens. Belle et faux billets violets pour ma team. En bas, c'est la merde. T'en fais pas demain, on se barre à Amsterdam. J'ai passé tout l'été dans le thème. Maintenant, j'ai plus trop le time. Emmène-moi chiller sur les quais d'Amsterdam. Faux billets violets pour ma team. En bas, c'est la merde. T'en fais pas demain, on se barre à Amsterdam. Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam. Trop de choses m'ont déçu, même Miss m'a dit avance, ne te retourne pas. Jamais. Des attaches, j'en ai plus, à trop de choses que je suis prêt à laisser derrière moi. Ouais, ouais. Hey. Faut plus que je tourne en rond, j'ai pas que ça à faire. Quand est-ce qu'on démon, j'ai plus le temps à perdre. Casse la marche arrière, grosse affaire à faire. Je veux tracer ma route comme avec R1. Ressources illimitées comme R4. Je m'en bats les couches, je serai pas sur vos terrains. Je veux pouvoir réussir sans décevoir les miens. C'est révoltant ce qu'on saigne, mais je sais bien qu'on récolte ce qu'on sème. Mauvais karma me consterne, la nuit porte conseil. J'aurais bien besoin de concret, je rêve encore de concert. Je ferme les yeux, j'ai déjà quitté la terre. Laisse-les parler, bientôt c'est à notre tour. Des rêves plein la tête, j'attends de partir du bas de ma tour. Quelques souvenirs en billets violets pour ma team. En bas c'est la merde. T'en fais pas demain, on se barre à Amsterdam. J'ai passé tout l'été dans le thème. Maintenant j'ai plus trop le time. Emmène-moi chiller sur les quais d'Amsterdam. Faux billets violets pour ma team. En bas c'est la merde. T'en fais pas demain, on se barre à Amsterdam. Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam. T'en fais pas bientôt, on va quitter les parages. Laisse-les parler, bientôt c'est à notre tour. Des rêves plein la tête, j'attends de partir du bas de ma tour. Seul avec les miens, bel et faux billets violets pour ma team. général c'est la merde. T'en fais pas demain, on se barre à Amsterdam. J'ai passé tout l'été dans le thème, maintenant j'ai plus trop le time. Emmène-moi chiller sur les quais d'Amsterdam. Faux billets violets pour ma team. En bas c'est la merde. T'en fais pas demain, on se barre à Amsterdam. Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Crac Radio Sud.net. 101.8. Je sais pas. Ouais. Donc c'était Sinza Amsterdam. Désolé, putain, j'ai mis de la funk à fond quoi. Là, je suis trop dans le salon de ta rhum. Quoi. Ta rhum, quoi. 23h10, c'était Sinza Amsterdam. Isos Beats à la prod. Et c'est réalisé par Lou Bloom, hein, encore cet homme de l'ombre. Mais Jérouf, c'est un mec de la Casa del Papel. Qui est Lou Bloom? Ouais, Amsterdam, Oslo. Ah ouais, c'est vrai, ouais. C'est bizarre, hein. Bellec. C'est pas très gratifiant. Bellec, c'est le professeur. El professeur, quoi. La casa del lover, la casa, c'est... Non, arrête. Cette série là, c'est les feux de l'amour avec des gens qui volent des banques, c'est tout, frère. C'est bon. L'autre il meurt, il revient, tu sais même pas. Même Duncan MacLeod, il revient pas comme ça. Bon, non, ça va. On peut en parler, RTZ. Regardons les vraies choses. Parlons de vraies séries. La Casa del Lover. Toi, tu regardes quoi, toi, Rizzo, toi? Oh, je suis dans plein de séries là. Là, j'ai fini Prêcheur. Ok. Prêcheur, j'ai fini, le truc est. Super lourd, tout ça. C'est quoi ça? Là, j'enchaînais par Lost in the Space, perdu dans l'espace, okay. Là. La deuxième saison, le bail, ça blague pas. Il y a des nouveaux trucs qui sont arrivés. Il y a Vampire, qui est arrivé. Je sais pas ce que ça va donner. Mm. C'est une série qui vient juste d'arriver. J'ai pas encore regardé. Il y a Messi, Meshé, qui fait super plein de bordel sur les réseaux. Apparemment, c'est bof, ça. Je sais pas, frère, j'ai même pas tes mains, tu vois. J'ai vu sur Twitter, apparemment, il y a tout est dans la bande-annonce. J'ai pas tes mains du tout, frère, mais je sais que ça arrivait, tu vois, j'ai machin. Donc voilà, ouais, non, petite série, sinon manga, tu vois, toujours comme d'habitude. Hein. Manga, j'ai pas bougé. Divers bail, toujours. Je me remets des bleach, de des chèque. Petits araki quand. Signe. Tu ouais, sais. Signe avec le. Ok, le ok. Et toi, tu regardes quoi, toi? Moi, je me suis téma The Witcher, là. Ah, Witcher aussi, ouais. Witcher, ouais, bien fait. Après, moi, on m'a dit ça venait d'un jeu, je savais même pas. En fait, ça vient d'un livre qui est devenu un jeu et qui est devenu une série. Et j'ai commencé à t'aimer. Oh, non, bien monté aussi. Ouais. Quand t'aimes bien les bails un peu, ouais, chevalier, sorcier à la base, tout ça, là. Ouais. Monstre. Non, ouais, le bail était lourd. Okay. Et puis, je me suis fait, Summer House, Top Boy. Top Boy, ça se passe à Londres. Ouais, c'est lourd aussi. Hein. Ah, c'est méga lourd. En fait, la première saison, c'était genre il y a 4 ans, un truc comme ça. Même plus, je pense. Et puis là, ouais, ils ont sorti la suite, en fait. C'est Summer House, le début, il y a 2 saisons. Et puis Top Boy, il doit y avoir une saison ou 2, je crois. Je sais même plus. Mais c'est lourd, ça se passe à Londres, quoi, dans les quartiers de Londres. London, voilà, quoi. Ça cogne. Merci Netflix, quoi. Merci la zone. Hein. Merci la zone. Merci le N. Donc là, on était sur Sinza Amsterdam. Donc, ce qu'on disait, évidemment, on est passé par la Norvège, on est passé par la Hollande, on est passé par le Brésil aussi, évidemment, ce soir. Donc, ce soir, il y a un voyage à gagner. Non, c'est bon, on va se détendre. À Saint-Vite-sur-Mer. Une journée à Besançon-les-Bains. Une journée avec Jounès. 24 Comment heures. Apprendre à être en retard, c'est tout un métier. Vous verrez qu'il n'y a pas de... Vive ma vie de mec en retard, donc... Tu sais, le retard, il a une ça base, commence très tôt. Il a une source, c'est dès le matin. Ouais, c'est ça, le retard commence très tôt. Bah ouais. Non, faut si pas tu, croire, si c'est pas un truc 13... de... Mais non. Pourtant, moi je suis un bouc du matin, à 5h, je suis déjà là, moi. Les mecs en retard, c'est des boucs faux, non. Moi, on sait très bien. Non, moi je suis un bouc du matin. Mais je sais très très bien. Il se passe toujours à un moment, tu perds 15 minutes avec quelqu'un qui comprend pas ce que tu lui dis. Et puis bah après, vas-y, t'as 15 minutes. Et attends. J'ai une grosse dédicace pour ma collègue Nadine. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Nadine? Okay. Ouais, Nadine, ouais. Oh, le sort, Nadine, le N. On te reconnaît le N. Voilà. Donc c'était la dédicace de Nadine de la soirée. Donc on revient. Bonsoir Nadine. Ouais, du coup le retard. Le retard, ça se travaille. Nadine, ouais, tu sauras, Jounès a la peau noire. Donc c'est une pigmentation que tu aimes particulièrement. Donc pas que la peau. Je t'enverrai son et pas que la peau, évidemment. Vous êtes con, merci. Voilà. Voilà. Vous avez la réponse. Ok. Non mais voilà, c'est tout. Ok, bon. Voilà, bah, c'est génial. Non, c'est vrai. On a beaucoup voyagé. Et, en fait, je rebondis sur quelque chose qui n'a rien à voir. Il y a un petit jeune qui est passé tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu, il nous a fait un petit signe comme ça en passant juste derrière. Ouais, j'ai cru que ça avait coupé le son moi aussi. Alex ? Non, pas du tout. Là, parce qu'on voyage. Non, bah oui, il y a Alex qui vient de New York, mais ouais, en fait, ce soir, c'est n'importe quoi. Ça sort des sons avec des putes avec des boucs du Brésil, il y a des boucs de New York, frère. C'est quel. Oh, la 25e, on revient en 2020, vous croyez aux blagues ou quoi? Oh là là, Pierre. Oh là là. Il y a EDRF. Oh là là. EDRF. Non, gros, 25e 2020, ça blague pas. Il y a que des bails qui tombent à chaque minute. Mais non, frère. Il y a des guests. On t'envoie du guest. Qu'est-ce que tu veux de plus? Un gogo. Donc il y a EDRF qui vient d'arriver. Oh là là. 23h16, c'est la folie, il y a des guests de partout. Et il est coiffé comme. Comme Jaja. Ça coupe et le brille. Un salon César. Donc on continue la playlist locale. Donc ce que je disais tout à l'heure, il y a un petit jeune qui est passé nous faire un petit coucou. C'est DSY. Donc DSY, c'est un jeune planoisien qui. Tsai. Non, c'est DSY. Faudrait lui demander exactement ce que ça veut dire. DSY qui a sorti un son qui s'appelle Matrixé. Et il a tourné le clip ici à la radio. Il a fait un clip en mode. En mode one shot ici à la radio avec ses potos. C'est un petit jeune d'ici. Donc j'ai décidé de passer son morceau ce soir dans la playlist. Évidemment, c'est sorti entre décembre et janvier. Donc j'envoie ça, DSY, Matrixé. On envoie le jingle, on envoie ça dans la foulée. Yes, la 25e. Radio la 25e, tous les jeudis. Ciao. Jounès, 22h minuit, Radio Sud.net, 101.8. Wesh l'équipe, ça va ou quoi? T'as pas entendu le nouveau son que je vais sortir chaque année? Ouais frère, ça fait 9 mois que je dormais frère. Ne sors pas, je lui tourne, moi je suis pas pareil, ne joue pas le parrain dans les poches, tu n'as rien. Dans les poches tu n'as rien, ne joue pas le parrain, dans les poches tu n'as rien. Ne joue pas le parrain, dans les poches tu n'as rien. Tu n'as rien. Ne sors pas ça toi et moi c'est pas pareil. Ne joue pas le parrain, dans les poches tu n'as rien. Ouais y'a que quand t'es seul que tu gonfles les narines. Y'a que quand t'es seul que tu fermes ta gueule. Ouais tu sais pas comment je les sens passer bâtard. Lâche la ferre, ce sont des sans-couilles. Une barre volée ça fait le 100 mètres. Ouais craque pas les dents, tu vas toutes les perdre. Oh les gars y'a les keufs, y'a les keufs mec. Y'a les keufs, y'a les keufs et ça galope. Faut des sous, faut des soirs, des poches, boy. Et si t'as pas un tas zéro dans les poches. Le couloir de la mort, je sais qu'on est plus potes. Merde, tu me l'as mise à l'envers, c'est ce que je te reproche. Ah, il nous l'a mis à l'envers, bâtard. Putain, chino. Depuis tout petit, il a protégé Daron. La banque à la porte, il a demandé pardon. Sorti de GAV, il est retourné en charbon. Non, je suis pas même pas. Merde. Depuis tout petit, il a protégé du Daron. Ouais, la banque à la porte, il a demandé pardon. Sorti de GAV, il retourne au charbon. Ne parle pas si t'assumes pas. Boy, le temps c'est de l'argent, ta Rolex dans ma poche. Dans le couloir de la mort, je sais qu'on est plus potes. Tu me l'as mis en l'envers, c'est parce que je te reproche. Soit tu parles de galère, ton Daron ou l'enfant. Ne parle pas d'affaires, je veux que des bonnes affaires. Ça y est, c'est bon, vas-y, lâche l'affaire. On raconte la vie, ta soeur, on avait dû faire. J'ai baisé ta soeur, ouais, t'en avais les nerfs. Tranquille, c'est la rue, c'est la merde. Ouais, 2 heures après, je me pète un gros flash. Ouais, 2 heures après, je me pète un gros flash. Et 3 heures après, j'en ai mis des flashbacks. Flashbacks, sale fou. Back to the future, hein. La DeLorean, chacal. Oh, hey. Oh, hey. Tu n'étais pas là quand on avait besoin. Oh, hey. Complètement pété, j'oublie mon pétard. Ouais, qu'est-ce que tu vas me parler? Tu sais que je m'en bats les couilles. Pourtant tu reviens quand même hein, salaud. Complètement pété, j'oublie tous mes soucis. Qu'est-ce que tu vas me parler, tu sais que je m'en bats les couilles. Complètement pété, j'ai pas mon pétard. Ouais, pote, mato, vas-y roule la détail. Ouais, wesh la détail, vas-y rentre dans les détails. Mon pote accable, c'est bon, c'est fini. Ouais, tu parles de la rue, t'es un putain de menteur. Ferme ta gueule, t'as bloqué sur la branlette. Oh, hey, hey, oh, hey, hey. Les gars, ouais. Vous me croyez pas, mais il y a encore des keufs. Non, du renard. Non, non, non, non, non, quand même. Les porcs ou la bague, y'a les keufs, y'a les keufs et ça galope. Faut des sous, faut les sous rappeler ses poches. Ouais. Et si t'as pas un tas de vent dans les poches, donc où la vole à moi, je sais qu'on est plus potes, merde. Tu me l'avances et la veste, c'est ce que je te reproche. Donc c'est ce que je te reproche. C'est ce que je te reproche. C'est ce que je te reproche. Bang, bang. La 25ème, tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio Sud.net 101.8. C'était des SY matrixés dans la 25ème. Oui, Jounès, oui. Ouais, merci, parce que je vais trépigne d'impatience. Ouh. On m'entend. 1, 2, 1, 2. 1, 2, test. Ok. Test mic. Non, c'est pas pour lancer un débat ou quoi. Si tu vas faire ça, si. Tu fais tout le temps ça. Non. On peut en discuter. Moi, ça passera juste par une question. Pourquoi, quand il y en a un qui pète avec un genre, il y a toujours 15 000 mecs qui essayent de faire pareil et que c'est nul? Ah bah, Est-ce que j'ai pas compris? Ok, donc je vais être plus clair. Hein. Tu peux être clair, s'il te plaît, je comprends pas. Là, dernièrement, il là, y a Gambi. Il a pété avec ce genre de truc, tu vois. Ouais. Avec ce genre d'instru, ce genre de délire. Mm. Et pourquoi il y en a toujours 15 000 qui suivent, qui font la même chose et que c'est pas bon, tu vois? Parce qu'aujourd'hui, après, c'est comme ça aujourd'hui. C'est un jeune, hein. Parce que les jeunes, ils font de la zec pour faire de l'oseille, frère. C'est pas un gars qui a 10 ans de bouteille. Sans battre les couilles, tu vois. Si le mec, il se dit en faisant du son comme Jules ou comme, un autre, comme ça, il va ralisser, il va le faire, frère, sans battre les couilles. Attends. Le son me gêne. Le fond me gêne, là. Mais quand je dis ça, je suis pas en train d'attaquer le. Si. DSY qui vient de passer, je suis en train de l'attaquer. Ouais. Mais quand il y a eu Jules qui a pété, 15 000 mecs ont fait du Jules. Ouais. Quand il y a eu qui encore là, Copaladé, il y en a eu. Bon, on a essayé, mais. J'espère qu'il n'y en a pas eu plus de deux quand même qui ont essayé de faire comme lui. Non. Mais là, là clairement, tu vois, j'entends ce son. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Non, là, tu essaies de te débarrasser de moi pour pas que je dise des conneries, tu vois. Non, j'ai d'autres sons à passer. Parce qu'il est long. Non, parce que t'es long. Là, on est là. Non, mais c'est vrai que c'est vrai. De toute façon, on s'en bat les couilles. Je suis d'accord. La prod ressemble à 80% depuis que la section d'assaut a annoncé son retour, je crois que Jounès reprend la vie. Ne viens pas. Non, bref. C'est bien, c'est un débat qu'on pourra envoyer. Je vais le suivre de très près, ce DSY. On va le suivre de très près, et puis si on va le suivre, on va écouter. S'il persiste, on lui dira, tu vois. Si. Eh bien, allez écouter. DSY Matrixé, le son a été tourné à la radio, Radio Sud. Donc vous pouvez aller écouter, c'est la jeunesse byzantine, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Droit de vote. Le droit de vote de Jounès. J'enchaîne. Enchaîne, bon, bah, du coup, je vais enchaîner. Attends, la question c'est, est-ce que je te fais plaisir ou est-ce que je te fais pas plaisir? Le mérite-t-il? La vraie question, c'est le mérite-t-il? Droit de vote. Est-ce que c'est le droit de vote? C'est ça la vraie question. Vas-y, fais-moi pas plaisir. La vraie question, c'est le mérite-t-il? On concentre tout, tu vois. Je te fais pas plaisir. Fais-moi pas plaisir. Ok, je te fais pas plaisir, mais moi je vais me faire plaisir. Ouais, bah allons. Et ben je vais mettre. Yeah, que des guests, on t'a dit! Oh que des guests! Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Aucun pétard, que du bordel. Donc vous, je vais essayer de vous décrire ce qui s'est passé. Il est arrivé dans l'ombre. Oh, on a eu d'abord boum. En fait, on a eu deux arrivées là. Deuxième lame. Deuxième lame. On a eu l'arrivée de l'homme qu'on appelle Booms. Pour ceux qui savent, tout le monde connaît Booms. Et on a eu l'arrivée de Veneti. Veneti, les gars, Veneti. Vous connaissez Ratata, vous non, connaissez ce couplet légendaire. Booms et Veneti en même temps, c'est qu'elle est meilleure radio pour 2020. On est là, on vous a dit, il n'y a que des guests toute la soirée, les gens défilent, gros. Ouais, c'est la Veneti. En plus, tiens, on arrête tout. Tu vois, en plus, je t'ai dit. Je t'ai dit, je vais me faire plaisir. Pam, boum, bam, tout est arrivé. Mettez une preuve. Arrivé, oui. Voilà. Je vais mettre mes appareils. Du coup, on part en open mic parce que Sean Veneti, il est chaud. Là. J'ai des GSM comme les jeunes. Venette, t'as un petit truc à nous dire, Venette, avant que je diffuse un morceau là. Franchement, non, juste, ça fait plaisir de voir un peu les gens qui sont toujours motivés. Si. Donner un peu de force, donner un peu de la force à tout le monde, puis surtout que je me remette un peu dedans, quoi. Tu entends des retours? On est premier sur les retours, premier sur les meilleurs retours de ce putain de rap bande d'enfoiré. 2020, on l'a pas dit, on annonce que des retours, des frappes en lucarne. On va te taper, les gens reviennent, ils vont te taper. Ok, 23h26, on est le 9 janvier. Il a annoncé son retour. Vous êtes au courant que Venet, il est de retour. Donc Venet, il revient, bande de fous. Préparez les protèges Titi. Préparez les protèges Titi à la gorge. Bande de fous. Bah, du coup, Junès, si t'annonces ton retour, peut-être qu'on pourra clipper Yaya Touré, non? Au passage. Ok, ok, on est. Ok, ok, ok. Tu connais, ligament. Donc, bon, bah, du coup, je fais pas plaisir à Junès, mais moi, je vais me faire plaisir. Je vais partir sur mon son. Si tu veux vraiment, mon son. Tu commences à tacler les gens dès les premières semaines de janvier. Non, tranquille. C'est pas cool. Tranquille. Ça arrivera, l'année est longue. Il y a Papa Wemby qui revient. Il y a Booms qui prépare un solo. Un EP. EP. Je suis à la salle. Non, là, je vais partir. Ben, en fait, du coup, je vais un peu annoncer la semaine prochaine. Parce que là, je vais partir sur Puriste. Je vais partir sur Qui MPC, qui m'a pas cru. Tu l'as entendu, celui-là? Oh, putain, j'ai cru que t'allais mettre un autre truc, là. J'étais prêt. Non, bon, c'est bon. Tranquille. Ouais, non, donc là, je me fais mon petit kiff. C'est mon kiff de l'album, en fait. Donc, je diffuse ça. Ceux qui veulent aller choper Virus, c'est disponible. Virus, il Puriste. Il est sur YouTube, entier. Il est sur YouTube. Donc, si vraiment vous êtes des hackers, vous faites comme Junès. Il est téléchargé illégalement. Sinon, vous allez voir, il y a les clips Minuit, Benalla, tout ça. Puis je crois qu'il y en a d'autres qui arrivent. Donc, ils seront avec nous la semaine prochaine. Il y a Rizzo qui est avec nous ce soir. Je vous envoie QMPC, qui m'a pas cru. Petit sample, vas-y, on va voir avec les auditeurs si vous avez reconnu le sample. Si t'as pas reconnu, ben, faudra écouter un petit peu plus de rap. Puriste, QMPC. Oh my god! Je leur ai tendu la main, ils m'ont toisé, sourire aux lèvres. J'attends de croiser ses rivaux. Je me revois gamin pour rire aux checks. On a passé des niveaux. Alors qu'aucun misait sur nous, mes paroles visent les sournois. Je les tabasserai dès qu'il faut. Tout compte fait, il y en a eu des conflits. Dieu sait très bien qu'il y en aura d'autres. Dans la rue, c'est ce qu'on vit. Et pas ce qu'ils disent dans vos radios. Tout sera dit par la chance. Cache mes radis dans la chose. Pas de paradis dans ma chambre. Donc pars à vite devant ma soupe. Je vais n'acharne même dans la soupe. Tant que je vois d'autres horizons s'ouvrir. Or, ils sont les souvenirs. Je suis passager dans ma route, je veux pas stagner, j'ai plus de doute. Je crois fort en moi, cache ton soutien. Garde ton coup de main, l'océan se fait de petites gouttes. Qui m'a pas cru, m'a pas aidé. Qui m'a pas cru, m'a pas aidé. Ma star, fais tout. tourner le disque avant que je passe la trentaine. Ça pourrait être pire tant que je respire de faire du rap, je suis tenté. Rendre fier père et mère, c'est pas le peur à qui m'aide. Hein. Je reste là, je parais d'équerre depuis ma période d'essai. Peut-être demain j'arrête les gars, j'en plus le souci sur CDR. Vocabulaire de banlieue ça, faut que je quitte la rue, faut que je m'en libère. J'ai pas le soutien de ma ville, mais suis de mes frères, c'est bon gros. Moi j'ai ce qu'il me faut, on ira loin d'ici. Croire en l'autre, c'est pas donné à tous. Sont pas aidés, y'a pas idée de parier sur des ploucs. Bref, je viens d'en bas, maintenant je suis plutôt bien. Le rap c'est pas mon pain, fumé dans la bouche quand je navigue dans la boucle. Qui m'a pas cru, m'a pas aidé. Qui m'a pas cru, m'a pas aidé. Croire en l'homme c'est se faire une fleur. Millionnaire c'est réducteur. Je fais mon texte au gré de l'humeur. Pour mon beurre, je suis pire qu'une bête. Fait pour niquer le pronostic. Sortir des flots de mon hostie, ça fait mal comme 12 ans de dette. Rap français prend tout dans le terre, j'suis toujours speed. J'suis l'anomalie dans le code. Tu vas faire l'otarie dans le coffre. T'as l'oreille, m'a dit Van Gogh. Personne nous mêlerie dans le bol, sans la pute vos cercles. Pendant que tu caresses des groseilles pour gratter l'oseille, j'ai cassé la porte. Prendre l'âge comme une cave écossaise. Ils demandaient pas d'aide, ils possèdent des textes aux grosselles. Qu'écorche j'ai possède, décode les faux airs, du verre dans la pomme. Soldat se fait, se lance crève. Où rien n'est providentiel, s'il manque dans la somme. Qui m'a pas cru, m'a pas aidé. Qui m'a pas cru, m'a pas aidé. Je n'ai jamais attendu de coup de pouce, encore moins que le rap, autant que le crime. Je lâchais que des rêves sur Pro Tools, autant le dire. A donner du buzz à la rue bêtement, défendre un carré de bitume qui lui ne meurt jamais vraiment, non. Visque le mauvais œil, les jaloux, les tarpas, s'éloigner du cercueil. Et se dire qu'autant que ça roule, c'est déjà ça. Toujours dans les parages, débrouillard comme fraîche. Je défouraillais l'antenne pendant que tu jetais la rame. Ôtez-moi de là, j'ai plus la gouache de jouer les philosophes. Et suis ma rage avec des kilos de rhum, des nuits trop gore. Range ta main si tu l'as pas lavé après les chiottes. Enfant de catin, ne viens surtout pas justifier tes torts. Qui m'a pas cru, m'a pas aidé. Qui m'a pas cru, m'a pas aidé. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. QMPC tiré de l'album, de notre album Puriste Virus. L'album est dispo partout sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Il va arriver, vous pouvez aller commander sur notre site. Vous allez directement sur internet, vous tapez Puriste. Vous allez trouver le site directement, vous pouvez commander l'album en physique. Merci. Merci à tous ceux, franchement la force que vous mettez sur l'album. On fait un gros big up. On en parlera plus la semaine prochaine, mais merci à vous. Ramenez vos protèges tibias la semaine prochaine. Non, non, les protèges tibias, c'est pour le retour des Vénéti, frère. Ramenez vos protèges gorge, ramenez vos protèges yeux, vos pupilles, vos chevilles, vos genres. Brr, brr, brr. Ils sont on ne les arrête plus. On ne les arrête plus. Il est 23h33 dans la 25e, donc le studio s'est encore rempli. Il s'est encore rempli. Il y a Samos qui est arrivé. Oh my god! Il y a Distaqué arrivé. Je vous dis 2020, arrivé. On blague pas. C'est n'importe on quoi. On blague pas. Que des arrivés ce soir. C'est oh n'importe my god. Quoi. On avait commencé sans Jounès et puis je sais pas. Après, c'est parti en cacahuète. Tu vois, je t'écoute, mon petit. Non, c'est bon. Hein. Est-ce que t'avais un. Le retour du fils prodigue. Bizarre. Ça pourrait être. Je pourrais annoncer ton émission. Hein? À qui? À qui? Tu veux un crooner? Non, non, c'est bon. Coulez. Jounès, est-ce que t'avais un son à nous proposer? Parce que sinon, j'en ai moi, mais. Je sais pas, tu vois. Excuse-moi, pourquoi depuis que je suis arrivé, t'es là, t'essaies de me piéger? Ben non, ben peut-être que. Tu sais que j'ai pas participé au débat. Peut-être que t'as préparé ta playlist, tu vois, je sais pas. Ouais, j'ai une playlist de touchage de cuisse, si tu veux. Hop, je vais la mettre. Tranquille. Non, c'est bon. Non, tranquille. Vas-y, j'ai des sons. Mais même juste pas le son que j'ai dit droit de vote, s'il te plaît. Ok, ok, voilà. Très bien. Très bien, merci. Sinon, il y aura bagarre, je vais commencer à. Donc, pour. Ça me rouler par terre. Mais je vais me rouler par terre. Ça va, j'ai assez d'ennemis, c'est bon. Je vais me foutre en boule, je vous préviens. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, en fait, ce soir, on reprend tranquillement, 9 janvier, on a passé de bonnes fêtes. On a tous maigri. C'est la reprise. Voilà. C'est la troisième saison de ta meilleure série. Voilà. On est toujours dans la 25e. Il y a toujours Jounes qui est en retard, donc ça n'a pas changé. Il y a RTZ qui est venu nous voir. Et puis là, il y a plein de monde dans le studio. Théo2S, Charlie. Donc ça fait la combinaison Heatwave, évidemment, la fusion. Hey. Il y a Sinza qui est là. Il y a Booms. Bah lui, il était au coin de rue, on sait pas pourquoi. Au coin de rue, il a croisé Venetti, qui nous a annoncé d'ailleurs qu'il revient. Là, il nous a dit, je vais hacker vos comptes. Je sais pas ce qu'il a fait avec ses mains. Vous il a fait genre, il tapotait sur un clavier, tu vois. Il y a EDRF qui est là, il y a Ardo qui est là, il y a Samos, Dizda, il y a Alex, il y a notre poteau de New York qui est là, il y a Alex. Et puis voilà quoi, bonne ambiance quoi. Dernière demi-heure, on prend notre temps, on a des sons à diffuser. La petite rentrée. Donc je continue ma petite playlist locale parce que pour ceux qui nous rejoignent ce soir, c'était 100% local. On a diffusé du son. Tout ce qui est sorti en décembre, début janvier, même un peu fin novembre. Donc là, je passe directement à Don Braska. Don Braska qui a sorti son son. La Lune, son son La Lune, donc j'envoie ça, c'est BTBB Records, c'est les potos, Don Braska qui est déjà venu plusieurs fois faire des lives ici. Donc on diffuse ça et on continue tranquillement notre playlist. La Lune, La Lune. Comme t'as pas fait un son qui s'appelle La Lune Ouais. Yeah. Peut-être le futur, peut-être le featuring, peut-être. Je dis rien. 2020 grande année. Je dis rien. Allez, c'est parti. Radio La 25e, tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio Sud.net 101.8. Je veux pas durer comme en France. Je suis dans ma boue. Je viens dessiner, mais on dit sort, tu feras la honte. Tu pourras remplir un stade de France, faux, si tu n'as pas plus. Tu les ai vus, ma partie, ils sont vraiment mieux. Mais à quelle heure tu me demandes, si moi je veux être dedans. Je veux sortir de la pénombre, mettre à l'abri ma maman. Mais ça, ils disent tous, y'a plus d'originalité. Je dis à Dom s'il faut qu'on perce, mais j'aime trop la musicalité. J'prédis l'avenir, j'fais partie des sous-côtés. Mais ça, j'm'en bats les couilles si j'peux mettre gros sous de côté. J'suis abonné, la mort me pend au nez. J'pense qu'à barauder, trouver plafond pour voyager. J'fais pas du rap comme en France. J'suis dans ma bulle. J'suis indécis, mais on dit sort, tu feras la une. Tu peux remplir un stade de France, oh, si tu gardes ta plume. Mais bon, j'suis pas dans ça, j'suis sous pilon, j'suis sur la lune. C'est sous pilon que j'ai eu le bac, gros. Au lycée, coco dans le sac, oh. Tu crois c'est de la magie, go, faut des sous pour poser ma voix sur le track. Hein. MKTR sur les packs, hein. Y'a un nouveau single dans les packs. Mais la vie en vrai, c'est trop la merde, j'veux le dernier S3 Sport Pack. Casse la neutienne, j'suis un passionné, mais j'suis impatient là. Trop d'études puis tout le temps, maman pété des câbles et j'ai vesti le pensionnat. Je me souviens qu'on a galéré, mais même en galérant comme nous on rigolait. Mais là je suis verbe ça, je pense qu'à paroter, trouver plafond pas pour voyager. Je suis dans ma bulle, je suis indécis, mais on dit sort, tu feras la une. Tu peux remplir un stade de France, gros, si tu gardes ta plume. Mais bon, je suis pas dans ça, je suis sous pilon, je suis sur la lune. Je fais pas du rap comme en France. Dans ma bulle, j'suis indécis, mais on me dit sort, tu feras la une. Tu peux remplir un stade de France si tu gardes ta plume. Mais bon, j'suis pas dans ça, j'suis sous pilon, j'suis sur la lune. J'fais pas du rap comme en France. J'suis dans ma bulle, j'suis indécis, mais on me dit sort, tu feras la une. Tu peux remplir un stade de France si tu gardes ta plume. Mais bon, j'suis pas dans ça, j'suis sous pilon. Sur la lune, sur la lune. Radio Sud. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Yeah, la 25ème, on est toujours là. 23h40 exactement, Jounès. D'Ivoire, t'étais chaud là, j'ai vu, t'as levé la main, tout, j'ai cru que t'allais lancer. Bah ouais, j'ai vu. Il a refermé son blouson. Il a refermé son blouson. Yo. Oh. Vas-y. Un. Apparemment. Il est chiant, et très très chiant, très chiant. Comment vous voulez que l'entrée gros, non. Arrête pour 2020, tu mets les choses au clair. Déjà d'entrée. Cherche un producteur là, cherche celui qui veut produire mon beau mal. Et ben... à 16 mesures, c'est tout mon beau mal. Voilà. Ok. Allez. Vas-y, t'avais un truc à dire sinon... Non, pour de vrai, j'ai rien à dire. Très bien. Bah, je vois, t'es. Non, mais t'étais chaud, t'étais chaud. Peut-être que tu t'es levé près du micro. J'ai vu une lueur au fond de ton œil. C'est bon. Vas-y. Allez. Apparemment. Ah, il est dur. Il est dur à vivre. Voilà, donc c'était le freestyle de Jounès, hashtag muet. Hashtag 16. En rap muet. On, 16 mois. On exclut. Sinon, avant ça, c'était le son de Don Braska, La Lune. Vous pouvez retrouver ça sur Spotify, plateforme de streaming et tout ça. Big up. Big up à l'équipe de BTBB Record qui sont déjà venus dans l'émission. Oui, Jounès, ils sont déjà venus. Donc je voulais enchaîner directement sur le son de BRK. BRK, il a sorti un son le 3 janvier. La salle du temps ? Non. Là, il a ressorti un son. La salle du temps, c'est un son. C'était pas un projet ? Non. Ok, donc vous étiez tous dans le faux en fait. Ouais, totalement. Donc là, il a sorti un son qui s'appelle Quand j'écris. Donc c'est sorti sur Spotify, tout ça. Tu connais le streaming fort. Donc j'envoie ça directement et puis après il nous restera un peu de temps, on verra. On va faire peut-être un petit open mic là, parce que là il y a des MC là, on va kicker un peu. Voilà, donc Jounès il annonce des open mic muets. Voilà, apparemment. Donc je vous balance BRK quand j'écris. Suite. Faut que je trouve la suite de mon bail. Vas-y. Apparemment, quand j'écris. 9 janvier, l'année va être longue. 9 janvier, l'année va être longue. Du coup, je sais pas si on va finir l'année avec Jounès. Allez, salut. Allez. Radio La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Appris à toujours donner aux gens que j'aimais. Demain tu pars, ce que t'as coffré reste. Je vois les anciens qui choquent de nos gênés. C'est tout pour la monnaie, pour être en guest. Oui, on se connaît, mais tu me laisses en chaîne. Non, j'avais pas de galère, c'était juste un test. La rancœur façonnera mes écrits. Moi, ça fait plus 10 piges que j'ai la même veste. Non, je veux pas que tu sois mon pansement. La routine fait que déjà on y pense moins. Elle croit que quand je la vois, j'ai un pincement. Va te faire baiser ailleurs, là je le pense bien. On m'avait dit de faire attention dehors. Qu'il y avait trop de loups qui rôdaient dans les alentours. T'étais déjà méfiant dans la cour. C'est chacun son heure, moi j'attendrai mon tour. Le cœur sous le manteau, il fait beaucoup trop froid. C'est ma tête qui cherche de nouvelles proies. Je crois bien que dans ma tête on est trop. Minute 30 dans la caisse on est 3. Dans les drames on n'y échappe pas. Ce qui détruit sous ma part quoi. D'ici 2 heures ce sera parti. D'ici 2 ans faut qu'on parte là. Mal à se remettre de ses émotions. Je crame encore un joint pour oublier. Pas les idées en place. T'as remarqué que je m'efface. Je perds les proches pendant qu'ils perdent des billets. On se relève comme à chaque fois. Rien de parfait là, je fais parler mes défauts. Beaucoup d'erreurs, je les prends comme des leçons. Je regarde plus l'heure, ça me met trop la pression. À chercher la confiance, j'en ai perdu. C'est qu'il faut la part des choses, c'est hyper dur. Ouais, découvert dans la verdure. Rentre dans ma vie, accroche bien ta ceinture. Je préfère que tu rentres, pas prendre toute seule la route avec toi. J'ai plus besoin de partager mes doutes. L'impression d'écouter quelqu'un d'autre quand je balance à fond mon son dans les écouteurs. Tu me connais, je rappe avec les sentiments. Je suis venu dire ce que j'ai sur le cœur. Tous les jours je mène un combat contre moi-même. Arriver à soigner mes plaies, je crois. Y'a que sur une feuille que je peux parler de mes peurs. Dehors on parle qu'en honneur et en prix. J'ai arrêté mes recherches si tu me parles de bonheur. Je sais même pas par où commencer quand j'écris. Radio Sud. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. La 25ème, il est 23h45. Nous sommes dans le dernier quart d'heure de l'émission. 9 janvier, c'est la reprise pour nous, tout doux, après des fêtes de fin d'année tranquillou. Donc, c'était le son de BRK, quand j'écris, disponible sur les plateformes streaming. Et petit rappel, la semaine prochaine, on a l'équipe des puristes pour le 16 janvier. Le 23 janvier, on a l'équipe de Datara. Et le 30 janvier, open mic de 2h. Donc ceux qui veulent venir kicker, pendant 2h, vous pourrez kicker, les gars. Ouais, je vais kicker. Ça va chier des bulles. Ça va chier des bulles carrées, quoi. Voilà. Ben, 23h46, après, c'est à vous de me dire qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va. Tu vois ce que je veux dire, hein. 1-2. Ok, donc okay. Jeunesse, il est reparti pour perdre encore 3 minutes de freestyle muet. Je vois que là, il y a plein de petits kickers. Je dis que finir sur une petite prod bien sympa, un petit 16, une petite... Est-ce que vous êtes chaud pour kicker, les gars? Moi, je mets la prod, après... Juste, va pas confondre à l'eau des bois avec Ara des villes. Juste, on est obligé de kicker, tu connais. Ok. Comme disait un auteur, nos moins... Du rap gitan. Ya. Apparemment, yo. Je suis dedans, enfoiré, tu vois. Un. Donc là, il y a Ardo qui est chaud. Il a commencé à prendre son téléphone, à prendre le câble. Il va commencer à brancher ses bails. Il y a de la prod qui va tomber. La comme un coup de coude de Jounès dans le nez. Tranquillement. Pour le dernier quart d'heure, on va envoyer des prods. On va envoyer des prods. Apparemment, il va tomber comme un coup de coude de Jounès dans le nez. C'est bon, j'ai mon 16. J'ai mon album. J'ai mon album. Donc on finit tranquillement l'heure, 23h47, on finit ça sur du freestyle. Là, je vous envoie les proda Ardo directement. Et ceux qui veulent kicker, c'est parti, quoi, les mecs. Ah, il y a mon gars au fond, là. Il y a ton gars au fond. Radio La 25ème, tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h, minuit. Radio Sud.net. 101.8. Petite session freestyle pour terminer l'heure. C'est les prods, ça? C'est les prods de Ardo, ouais. 23h47, ouais. On entend bien. Apparemment. Prends un casque, hein, si tu veux entendre. Apparemment. Jounès. Mets un peu le son un peu plus fort, s'il te plaît, chaud. Ok, apparemment. Ok. Ah, vous entendez pas la prod? Essaye de rapper, wesh. Ok. Eh. La 25ème sortie. Eh. Apparemment. Okay. Eh. Ok. Pour l'instant, pour le week-end, rien de prévu, miss. Par un abus de zeb, sous collal comme d'habitude, la crise prend de l'amplitude. Donc je pars les voyages aux Seychelles. Égare les soirées stud, même si je sais que tu kiffes pas. Girls pour le week-end, y'aura ni champagne, ni soirée au coin du feu, ni maison à la campagne. Mon compte en banque, ni le croque-mort en riz, y'a trop de corrompus, alors moi je crame des sticks avec peu de calories. À mon aquarelle, sereine dans mon jeu. Les 5 premiers jours, je galère comme les deux autres, alors j'économise. Colobis comme quand ça se booste sur Computer Love. Vu que ça conne sur du killobis quand le ghetto groove. Non, y'aura pas de soirée VIP ni d'happy hen pour le week-end. Je finis mes rimes, ensuite je me taille au rhum. Tout au plus, je peux te payer un grec, un coup à boire. Je sais, c'est pas galant, mais bon, t'as vu, c'est pas la mer à boire. Ok. Radio Sud. La 25ème, tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h, minuit. Radio Sud.net. 101.8. Hey, EDRF, SLF Crew, R, pour tous les refs. Hey, Puris, ciao, Jounès. Et regarde, nous on est différents d'eux. Vécu des choses qui cauchemardaient même pas. La haine m'a fait grandir. Quand je vois les grands de ma rue, j'ai toujours su que je m'arrêterai sur même pas. Dites dans la tête quand je regarde le ciel et qu'un truc tape mon crâne. Là, je suis en festival. J'ai plus le seum de prendre les transports quand je vois les têtes d'afficher mon nom sur le tram. Je suis bien entouré, ouais, rassure-toi. J'ai des pots des frères qui vont péter le compteur. Y'a que les cicatrices qu'ont formé mes bras. On est toujours prêt, tu peux remballer le compteur. Je veux pas choisir d'escalier. Le temps, c'est de l'argent, je veux de l'or dans le sablier. C'est dangereux que tu deviennes mon allié. J'habite dans des rues où le secteur est quadrillé. Tu sais pas ce que j'ai vu quand je traînais dans la rue jusqu'au matin. Petit à petit, je comprends qu'il faut serrer les crocs. Que je perds mon cœur après minuit, plus rien de matin. Et si les gars se prennent pour des petites Campton, toi, t'as vu que t'as vendu tant de tonnes. J'avance toujours, même si je tamponne. J'en ai marre d'avoir les problèmes qui se cramponnent. Ouais, c'est bientôt la Zerigo sur le micro. Je vais faire mon taf à plein temps. Bah, les couilles de devenir leur icône. Si j'ai des ennemis, je vais frapper en plein dedans. SLF Crew. SLF Crew. SLF Crew. Le 18 janvier sur scène. Si, si. 18 janvier à la Rodia, les gars. Si vous voulez voir ça en live and direct. Hey. Hey. Vas-y, laisse-la. Ok. C'est cool, celle-là. Hey. La rue a pris une partie de notre jeunesse. Je regardais le check, puis la fenêtre. On était des crèmes pour être honnête. Mais quand y'a les keufs, on fait belleg. Je fais contrôler devant les voisins. J'étais qu'un enfant, j'étais gamin. Devant les... Avec le temps, je deviens malin. Maman m'a élevé seul, je l'aidais à faire la vaisselle. Papa est parti vivre dans les îles, et je pense à lui quand je m'isole. Un souvenir intact dans ma tête, devant le téléphone j'attends l'appel. Hey, cicatrice indélébile, mais si elle m'entend elle est belle. Hey, je rappe toute ma vie derrière l'antipop. À chaque fois que je me livre, tout mon texte je le relis, je me dis que j'en dis trop. J'ai du mal à rigoler sans picole. Je repense à nos délires de gosse, au fond de moi-même j'ai un enfant qui dort. Toujours du bon côté pourvu que ça dure. Je sens le vaucère qui sature quand je vois les petits qui disent la pure. Ouais, on entasse souci dans nos vies d'adultes. L'État français nous pique la thune pour m'envoler. J'ai pris ma plume, Prey. SHAO, Yukuri, Stream War, Bardo. On pull up ou on switch, Rizzo? On pull up? Il a juste crié ça. Vas-y, envoie une autre, envoie une autre. Tous les jeudis, Ciao, Jounès, 22h minuit, Radio Sud.net, 101.8. 23h52, on est bien dans la 25e. On finit ça en freestyle, tout doux. Tout doux. Rizzo, EDRF, Dizda, Sinza, Samos, Jounès, Ardo. Apparemment. On est toujours là. Bezak. Apparemment avec Jounès. Yo. Hein. Ok. Depuis petit peu, je rêve de percer dans la zig, buté comme Chayem. J'esquissais de lui, c'est quand sa mère, sans bon salaire, sans bon trajet. J'ai suivi la hall dans laquelle y'avait aucune lumière. Aucun réverbère, n'est jamais trop scatté. Le showbiz ou mendier pour une trêve. Vrai frère. Si tu vois que j'éclate un mec, c'est sûr qu'il a mérité. J'suis dans la paix comme Martin Luther, mais le malin m'observer vient vérifier. J'ai lâché des lyrics encore pire que celles de l'armée russe. J'étais de ceux qui restaient improvisés tard sous l'abribus. On a tous graillé dans un grec à 5, mais viens taper ton croc. Noyer nos peines dans un verre à 20, en apnée, en crawl. J'ai des phases à gauche pour les prochains soutiens. Impossible de quitter la cabine ce soir, y'a que des absents qu'on se souvient. Mais les blessures embellissent le monde, il les sache. J'ai essuyé les tacles, me suis relevé une deuxième fois. Comprends que je compte éviter les tacles, mais les émoralités, j'ai mal. J'ai pas le time si tu pousses à bout, j'ai pas le temps pour les chocs là. Une bouteille de rhum pour la route, toujours une goutte pour ceux que Dieu me garde. J'ai pas le temps. Non. Je n'ai pas le temps. Elle est mystique ton instru, hein, gros. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. 23h54, on est toujours là dans la 25e. Elle était mystique, c'est quoi? Petit freestyle sur du hardo. Switch. Hey, EDRF, hey, hey. On a grandi sur le bitume, loin des hôtels, des palaces. La belle a fait des boys scouts. J'ai saigné tant de paires d'Air Max. Je sais pas tout ce qu'on aurait donné pour un beau scout. Casse en sort, mais plus la nuit. Les Yankees qui pétaient les plombs. J'ai pris les rênes de ma vie. Je suis le capitaine du navire. Mais y'a des peines qu'il faut que j'éponge. Suite ceux qui partent en bas, on avance au parlement de bas. J'ai peu d'amour, ma belle m'attend pas. Pas besoin de concert pour qu'on parte en live. Je rêvais de me barrer d'ici, moi, insomniaque. Les voisins criaient toute la note, yeah. J'ai perdu mon calme, j'ai pété des cases. Et y'avait personne pour les cocher. Je remercie la musique, du moins la me livrer ce qu'on vivait, on le mettait sur la feuille. On a pris tellement de recal devant les concerts, maintenant c'est dans les loges qu'on m'accueille. On veut du Wally, gros, sur moi tu paries gros. Tu veux faire la guerre mais tu paries go. Je suis coté même sans être paries go, fils de putain. Cassez pas trop les couilles, on investit le château. Cassez pas trop les couilles, on investit le château. Cassez pas trop les couilles, on investit le château. Oui. Le château. Cassez pas trop les couilles, on investit le château. Salut. Cassez pas trop les couilles, on investit le château. Nique les chevaliers Jedi. J'suis décalé, j'm'en bats les couilles, encore une fois j'mitraille. J'repose au micro, c'est Terizo. Fous la caille, encore une fois, c'est Zozo. Fous encore une fois le mic, c'est l'impro. Encore une fois, studio, tu connais au micro. Depuis les bocs, il est là, il s'amuse avec les mots. Il débite ton microphone, encore une fois sur le beat. Qu'est-ce que tu veux que j'te dise maintenant? Qu'est-ce que tu veux que JDM, tu se la donne? J'ai pas le temps de rigoler, ni de picoler trop. Fous la mic, encore une fois, tu connais le négro. Pose au mic, encore une fois, on a passé RITZ2. Forcément, j'fais des peu, mais t'as peu, papa, boum. Fous la caille encore une fois sur le but ici, y'a que des hommes, y'a jamais de boom. Arrêtez de tous faire les malins, encore une fois, pas de câlin pour 2020. Fous la caille encore une fois sur le béton. Bois de bruit, alcool, pas du demi-vin. Fous la caille, représente. RTZ Radio Sud. La 25e. Je dis ça, Jules. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. 23h56. On est dans les bails, on est dans les bails. Freestyle. Freestyle. Ok. Ok. Allez. Non, non, j'en ferai. Regarde, quand j'ai un ancien texte. Bougez pas. Jounès. Faut que mon iPhone me reconnaisse. Jounès. Ok. Ouh. Il est temps de casser des dents, moi, percer. Oh, ok, putain. Oh. Yeah. Tiens, pull up lui, l'instru. C'était mon album. Pull up lui, l'instru qui se concentre. Il a pas rappé depuis 2003. C'est rouillé, putain. On vient de le sortir du tiroir. Oh, putain. Ardo. Je connais pas mon texte en fait. Appro. Ouais. Ouh. Je pourrais le rapper en plus, mais on va essayer tranquille. Waouh. 5 janvier 2015. Sûr. Ok. Ah. Il est temps de casser des dents sans essayer dans. Laisse-moi c'est dans moi, percer dans le rap, je n'y crois plus même si je suis excellent. C'est pas la bonne prod. C'est ma faute, c'est ma faute. Je suis rouillé. Vas-y, switch. On se regarde. Je la tue. Attends, DRF, il est chaud. En moins de deux, je fais des one shot. Pour tous les gens qui parlent mais qui viennent pas le dire en face. Tu connais. Chiche. Parle de moi là. En moins de deux, je fais des one shot. Je les entends tous parler, ils font les boucles des réseaux. Je suis dans les gones, pas de la manchaf. Jamais trahi mon squad, même pour avoir raison. J'en ai rien à foutre, c'était différent. Je pars ton quart de tour. Je connais la rue comme eux, je pars des allées sombres quand on parle de tour. Tu parlais sur moi, tu turn up dans la fosse. C'est pour tous les vrais qui me soutiennent dans la salle. J'ai grandi, j'ai zoné, j'ai tout fait pour mes sauces. Très loin du paradis, pourtant proche du linceul. Ego, tu crois que tu vas me piler la fousse. Mais le manque d'argent a forcé mon mental. T'es ma mienne, on traverse la brousse. On en a fait des choses, mais crois pas qu'on en parle. J'ai pris de la cote, t'as beau miser. Le survêtre alphonisé. J'ai traversé les flammes pour tout carboniser. Fils de putain, je m'arrêterai pas. Tu veux me stopper, bah faudra bien que tu me butes. Excès, pourtant faut que j'excelle. Tu ramènes des meufs, bah faut que je ramène le butin. Et je vous emmerde. Oh, emmerde tout le monde en ce moment. Tu connais. 2020, on emmerde tout le monde. Oh, ouais. Vous emmerde. Ya. Hey. Oh. Attends, je mets un jingle. Radio. Quand ça switch, tu vois. Tous les jeudis. 23h59. Jules. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Ardo à la prod. C'est le sang. Eh ouais. On est les ouais.